Allô? Ouais, c'est moi. Asim, où tu es enfin? Je peux pas te le dire pour l'instant. Faut que tu rentres, que tu acceptes les règles du milieu dans lequel tu évolues. Tu sais très bien que ça ce sera jamais possible. Je suis pas calé, au moins je suis pas dans la norme. Un marginal, il faut que fuck les clones en somme. Ensemble on somme, mais je serai le dernier à couler. La vie c'est pas un rêve, les frères ont pas le temps de recouler. Donc je place ma rage, le rap une vocation et pas une voie de garage. En âge mon mic et moi c'est fusion, la basse le somme sont bon diffusion. Donc je pénètre un fat beat et je m'introduis. Vas-y Limsa, donne ce que t'as aimé en haut notre produit. Assurément je suis détesté, un desperado. Je prends pas de coco et je lâche pas le pit dans le temps montre. Et si ça part en couille, mano mano, on se démonte. Trop de jalousie, j'ai pas le temps de jouer, je prends un raccourci. En plus je balance ma merde en solo, un plus mes versions clean en radio. On voudrait me radier, ils pompent sa mère, ils n'ont qu'à se rhabiller. Ici pas, on aime pas quand tu te sens fort. On aime pas quand tu t'en sors. Asim, j'suis ennemi commun. Meilleur conseil, mec. Tiens ta langue de pisse. Ici pas. On aime pas quand tu te sens fort. On aime pas quand tu t'en sors. Asim, j'suis ennemi commun. Meilleur conseil, mec. Tiens ta langue de pute. Une journée de plus avec ses aléas, ses coups du sort. Une prise de maille, je crache ma rage et poustillonne encore. Ma mort fait rêver, on voudrait me voir m'éteindre. Mes cendres se disperser au vent, au mur mon sang pour le peindre. Un stabilo pour m'épauler. Limsa au mix, remets tes doigts, je veux décoller. Je veux que ça booste, qu'on pousse notre style en haut. Faut pas qu'il y ait rien au bout de ces années. Faut que ces âmes s'ouvrent et pas qu'on dit je suis damné. Sans preuve, les ragots fusent, on me dit bonjour avec un sourire. Mais quand j'ai le dos tourné, on me traite et rêve de me refroidir. Pourtant je reste tête haute et encore plus ça énerve. On mériterait au moins le respect, s'il y a pas, faudra qu'on serre. Ici pas, on aime pas quand tu te sens fort. Mais on aime pas quand tu t'en sors. Asim, j'suis ennemi commun. Meilleur conseil, mec. Tiens ta langue de pute. Ici pas, on aime pas quand tu te sens fort. Mais on aime pas quand tu t'en sors. Asim, j'suis ennemi commun. Meilleur conseil, mec. Tiens ta langue de pute. J'éteins les feux de ma rage à grand fort de salive. Trop utopiche à disputant au mic. Grand cœur, faut que je délivre. Que je place mes rap larges. Que je brille enfin en solo. Qu'on parle de mon large, même s'il paraît qu'en fait j'suis à l'eau. Les aléas des projos. Ici les merdes préfèrent les mecs sans projet. On tombe dans la spirale et puis c'est rejet. Et merde, on veut ma mort, au moins sur disque. Je les traite de pute au mic, et alors qu'est-ce que je risque? Y'a trop de bâtards de pute avec l'instinct meurtrier. Mon cœur meurtrier, raison l'emporte, tu pas la pour plier. Ma gueule ouverte, je sais pertinemment que je m'expose au risque. Conscient comme femme, impertinent, ma rage explose sur mon disque.